L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif. Bête comme ses pieds. Oh. C'est toi qui es bête comme tes pieds. Les animaux ont aussi leur histoire, par Michel Pastoureau et Mathilde Wagman. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les animaux ont aussi leur histoire, cette émission que vous retrouverez tout l'été sur France Culture. Chaque dimanche, à midi, Michel Pastoureau, médiéviste, spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, nous conte les déboires à travers les siècles d'un animal célèbre. Après avoir parlé du coq la semaine dernière, place aujourd'hui à un quadrupède. Pendant longtemps, en Europe, le roi des animaux ne fut pas le lion. Un autre animal était l'objet de toutes les admirations. Vénéré et respecté par les guerriers du Nord, il fut même longtemps l'objet d'un culte. Au Moyen-Âge, pourtant, la bête majestueuse est ridiculisée, humiliée. Elle conquiert de nouveau le cœur des hommes au XXe siècle, mais sous une forme un peu particulière, celle d'une peluche. Passé du statut de roi de la forêt à celui de simple doudou, voilà qui constitue un singulier parcours. C'est celui que nous allons tracer. Aujourd'hui, portrait de l'ours. Bonsoir les enfants. Notre nounours est bien joyeux ce soir. Patron, nous allons nous amuser. Je connais des devinettes très difficiles que Nicolas et Pimprenelle ne connaissent pas et qu'ils ne trouveront jamais. Il me tarde de voir ça. C'est moi qui vais être le plus fort ce soir. Et hop, mon échelle. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. Nos auditeurs et vous-même, je l'ai vu, avez reconnu cet extrait de Bonne nuit les petits, un épisode diffusé le 27 février 1964 sur les antennes de la radio-télévision française. Le héros de cette série populaire, c'est Nounours, un ours en peluche qui veille sur les petits Nicolas et Pimprenelle et leur conte des histoires pour que ces petits puissent s'endormir. Voilà un exemple, Michel Pastoureau parmi tant d'autres, de ce qu'est l'ours au XXe siècle, une figure affectueuse, bienveillante. Et un animal qui n'est pas du tout comme les autres. Et pour l'historien qui parcourt les siècles, c'est une idée qui revient constamment. Alors justement, parcourons les siècles et commençons par le début, Michel Pastoureau. Ce qui est bien avec l'ours, c'est qu'on peut remonter très très loin. On peut parler de la place de l'ours dans la préhistoire. Les préhistoriens se livrent à des débats violents sur la question de savoir si l'ours fut... oui ou non, l'objet d'un culte. Quelle est votre position sur la question, Michel Pastoureau ? Oui, je suis historien, je ne suis pas préhistorien. Je lis les travaux de mes collègues et je suis frappé par la façon dont ce dossier est devenu passionnel et passionné, les comportements très agressifs, culte de l'ours ou pas culte de l'ours au paléolithique de la part de l'homme de Néandertal et peut-être même de l'homme de Cro-Magnon. Les positions sont très tranchées, les opinions presque définitives. Moi, je suis partisan du culte de l'ours parce que, étant historien, je travaille sur des époques qui se situent un peu en aval de la préhistoire. Et là, manifestement, il y a un peu partout dans l'hémisphère nord des cultes de l'ours. Donc, j'invite les préhistoriens à descendre un peu le cours du temps et à s'interroger. Ces cultes que l'on trouve à des dates très anciennes, au néolithique ou dans l'antiquité la plus reculée, ils viennent bien de quelque part. Et à mon avis, ils viennent de la préhistoire. Et les témoignages qui poussent en ce sens, ne serait-ce que dans les grottes du Paléolithique, montrent que l'ours a peut-être été en effet le premier dieu, en quelque sorte. Vous parlez des grottes, Michel Pastoureau. Dans le livre que vous avez consacré à l'ours, vous vous arrêtez un long moment sur l'une d'entre elles, la grotte Chauvet, découverte en 1994 en Ardèche, et dont certains disent qu'elle est par excellence la grotte de l'ours. Pourquoi cela ? Oui, un préhistorien a même dit qu'elle sentait l'ours plus que toutes les autres. Ça n'est pas parce qu'il y a sur les parois plus de représentations d'ours qu'ailleurs. D'ailleurs, l'ours n'est pas la vedette du bestiaire peint du paléolithique. Mammouths, bisons, chevaux et même rhinocéros laineux sont plus fréquents que lui. Mais il est représenté toujours à des endroits spécifiques et puis surtout, il laisse au sol un très très grand nombre d'ossements dans certaines cavernes. Il est même parfois le seul à laisser des ossements qui montrent que l'ours a fréquenté les mêmes cavernes que l'être humain, peut-être pas au même moment, mais en tout cas, ils ont le même habitat. Et puis dans la grotte Chauvet, il y a vers le fond cette fameuse salle aux ours où l'on voit au centre de la pièce, sur une espèce de promontoire rocheux, un crâne d'ours entouré au sol en demi-cercle de 12 autres crânes d'ours, un dispositif qui implique des rituels de type cultuel et religieux. Ça semble absolument indéniable. Oui, c'est une forme d'hôtel en quelque sorte. Forme d'hôtel et ça implique une sorte de religion de l'ours. On trouve ailleurs d'ailleurs d'autres témoignages qui vont dans ce sens, peintures, ossements, traces diverses, à Montespan une statue d'ours sur laquelle, qui n'a pas sa tête, mais sur laquelle on mettait sans doute la peau et la tête d'un ours récemment abattu, un rituel lié à la chasse probablement, autour de cette statue, et même en Périgord, au Régourdou, une tombe supposée commune entre un homme de Néandertal et un ours, soulignant donc le cousinage, et peut-être même plus que le cousinage, entre l'homme et l'ours. Donc moi je suis partisan de cette idée qu'il y a culte de l'ours. Les ours du paléolithique sont de deux sortes. Il y a simultanément l'ours des cavernes, peut-être moins sauvage, en tout cas moins redoutable, et qui s'est éteint à des dates qu'on peut situer vers 12 000, 10 000 avant le temps présent. Et l'ours brun qui a traversé les millénaires, qui peut être de très grande taille. Hein. Les individus records peuvent dépasser 3 mètres de hauteur et avoisiner une tonne. Donc c'est un être redoutable. Tous ne sont pas de cette taille, bien sûr, mais quand il est très grand, il est vraiment impressionnant. Oui, et le caractère massif de l'animal est l'une des dimensions les plus importantes, hein, y compris dans sa symbolique, Michel Pastoureau. Oui, sa taille, sa ressemblance avec l'être humain, sa ressemblance externe. L'ours peut se mettre debout, peut saisir des objets avec les mains et s'en servir. L'ours sait sauter, danser, nager, grimper aux arbres. Et puis surtout, sur le terroir européen, c'est l'animal le plus fort aux époques historiques. D'où l'admiration envers cet animal de la part des chasseurs, bien sûr, mais aussi des guerriers. Aucun autre animal ne peut être prédateur d'un ours. C'est pour ça d'ailleurs que pendant des siècles, des millénaires, même l'ours a été en Europe le roi des animaux. Alors, roi des animaux, Michel Pastoureau, est-ce qu'on peut faire un lien entre le culte de l'ours que nous avons décrit à la préhistoire et la présence de l'animal dans les mythologies anciennes? Par exemple, dans la mythologie grecque, hein, on peut citer l'histoire de la nymphe Calypso, qui est transformée par la déesse Artémis en ours femelle. Oui, il y a beaucoup d'histoires de métamorphose d'êtres humains en ours, mâle ou femelle, dans la mythologie grecque, soulignant cette parenté anatomique et presque biologique entre l'homme et l'ours. Il y a également des histoires qui vont avoir la vie longue, l'idée que les ours mâles sont attirés par les jeunes filles et les jeunes femmes. On peut citer pour exemple dans la mythologie grecque le cas de Paris, le fils de Priam, celui à cause duquel va être provoquée la guerre de Troie. Priam, c'est un enfant qui, quand il est né, était né sous de mauvais auspices. Sa mère a vu en rêve une torche enflammée qui allait détruire la ville de Troie, sa mère Hécube. Donc son père Priam a demandé à un chasseur de conduire le nouveau-né dans la forêt et de l'égorger, mais le chasseur n'a pas eu le courage de le faire. Il a abandonné le bébé au cœur de la forêt, et là il a été recueilli par une ours qui l'a nourri, qui l'a élevé. Donc Paris est, en raison de cela, moitié homme, moitié ours. ce... Et c'est lui qui, plus tard, après son fameux jugement, va enlever la belle Hélène, la plus belle femme du monde, et provoquer ainsi la guerre de Troie, puis la ruine de Troie. C'est vraiment l'idée d'un homme qui est ours par certains côtés, et qui enlève une jeune femme particulièrement belle, un thème qu'on va retrouver tout au long de l'histoire. Dans quelle mythologie, par exemple, cette thématique-là est-elle présente ? Mais elle est présente encore dans les romans du Moyen-Âge, par exemple, un roman qui s'appelle Ider, qui n'est pas très connu. Nous sommes vers 1200 à peu près, à la cour du roi Arthur. L'ours de la ménagerie royale s'est échappé de sa cage, pourrait-on dire, et au lieu de partir vers la forêt et de retrouver sa liberté, il va vers la chambre des dames, dans le donjon, au deuxième étage. C'est ça qui l'intéresse. Ça n'est pas la liberté, c'est aller s'emparer des dames. Et là, la reine Guenièvre et toutes ses suivantes sont effrayées par cet animal monstrueux. Même les plus valeureux chevaliers de la Table Ronde n'osent pas affronter cet ours. Et c'est un jeune chevalier appelé Ider qui, à main nue, en combat singulier, affronte l'ours monstrueux et réussit à le jeter par la fenêtre et à le tuer, me provoquant bien sûr l'admiration de toutes les dames présentes. Mais c'est intéressant de voir que, en plein Moyen-Âge chrétien, dans un texte qui n'est que littérature courtoise, il y a encore cette idée que l'ours est intéressé par les femmes, l'ours mâle. Plus que la liberté, ce sont les dames qui intéressent l'ours du roi Arthur. C'est là encore un témoignage, Michel Pastoureau, de cette parenté entre l'homme et l'ours. Si l'ours peut être attiré par une femme, c'est donc qu'il n'est pas si loin de l'homme. Oui, et qu'il est même conspécifique, c'est-à-dire que ces ours attirés par les jeunes filles et les jeunes femmes les violent, et ça donne naissance à des êtres mi-hommes, mi-ours, qui au Moyen-Âge sont souvent des guerriers invincibles, des fondateurs de dynasties, vers 1200 toujours, les rois de Norvège et les rois de Danemark par exemple, sont très fiers de se faire faire des généalogies, au sommet desquelles ils ont pour ancêtre un être qui est fils d'ours, c'est-à-dire... un homme qui est le fils d'une femme qui a été enlevée et violée par un ours. Pour l'Église, bien sûr, c'est abominable. Vous évoquiez les guerriers, Michel Pastoureau. Dans le monde païen, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ours est un objet d'admiration. Chez les guerriers germains, par exemple, je crois, au début du millénaire, l'ours est pour les jeunes guerriers l'incarnation de la force. Se mesurer à lui est une sorte d'étape obligée. C'est un rite de passage à l'âge adulte pour les jeunes guerriers, pour les adolescents. Affronter un ours en combat singulier, au corps à corps, avec échange de souffle, échange de sang. Vaincre l'ours, bien sûr, c'est signe qu'on est devenu un véritable adulte et un guerrier redoutable. Mais il y a d'autres rituels avant de partir au combat. Des guerriers germains, scandinaves, celtes, slaves se livrent à... des danses, des chants, mangent de la viande de l'ours, boivent du sang d'ours pour s'investir des forces de l'animal, ou bien, plus banalement, portent sur eux une peau d'ours déguisant en ours, ou comme amulette des dents ou des griffes d'ours. Bref, il s'agit de prendre sur soi la force de l'animal le plus fort des terroirs européens. Certains chasseurs, d'ailleurs, font un peu de même avant de partir combattre l'ours, chasser l'ours. La vénerie, pendant longtemps, a eu l'ours comme gibier préféré. L'ours et le sanglier, et pas du tout le cerf, qui est un animal peureux, qui fuit, qu'on n'affronte pas du tout en corps à corps, mais à la course. L'Église est horrifiée par tout cela, et elle n'a pas réussi à interdire la chasse comme elle le voulait, l'Église médiévale, mais elle a réussi à inverser le prestige des gibiers. Longtemps, ce sont l'ours et le sanglier, les gibiers nobles, royaux, princiers. À partir du XIIIe siècle, le cerf les a remplacés dans ce rôle. Vous évoquiez, Michel Pastoureau, à l'instant, le rôle de l'Église dans cette histoire, longue histoire de l'ours. Au Moyen-Âge, ce culte, cette vénération, c'est précisément cela à quoi l'Église chrétienne va s'attaquer ? Oui, en plein Moyen Âge chrétien, dans une large partie de l'Europe, il y a encore des traces, non seulement de superstitions, l'ours mâle amateur de femmes et de jeunes filles, mais aussi des cultes rendus à l'ours ici ou là. L'Église avait réussi à éradiquer beaucoup de cultes païens, le culte des arbres, le culte des sources, le culte des pierres. Pour le culte de l'ours, elle a eu du mal. Il a fallu 500 ou 600 ans avant de venir à bout de ce culte qui venait de très haut, hein, qui, à mon avis, venait du paléolithique. Et donc, dès l'époque de Charlemagne, on commence à tuer un grand nombre d'ours, notamment dans la Germanie profonde, en même temps qu'on évangélise les populations. Ça, c'est la première stratégie utilisée par l'Église, tuer des ours. Carrément. Des massacres, l'extermination de l'animal. Oui, en l'Église n'y va pas par quatre chemins. En Saxe, en Thuringe, dans la Germanie, dans les forêts de la Germanie profonde, on tue des ours. La deuxième stratégie, un peu plus récente, avant et après l'an 1000, c'est de diaboliser l'animal, en faire une créature du diable, soit en montrant comment le diable, grand ennemi des moines et des fidèles, aime à se déguiser en ours, soit en faisant de l'ours un attribut d'un grand nombre de vices et de péchés. Par exemple, dans le système des 7 péchés capitaux, l'ours est associé à 4 des 7 péchés. C'est une sorte de record. C'est l'attribut de la colère, de la paresse, de la lubricité et de la goinfrerie. Pour Augustin, l'ours, c'est le diable pour saint Augustin. Oui, saint Augustin qui est le père de toute la symbolique médiévale. Il y a chez saint Augustin cette phrase terrible, « Ursus est diabolus », l'ours c'est le diable. Ça a contribué beaucoup à la mauvaise réputation de l'animal, bien sûr. Donc, tuer des ours, diaboliser l'ours, ensuite dompter l'ours. Ça, c'est le rôle de la géographie, c'est-à-dire des vides saints qui montrent que le saint, c'est-à-dire l'homme de Dieu, est plus fort que la plus forte des bêtes sauvages. Ça nous vaut toutes sortes d'histoires qui nous font rire aujourd'hui, mais qui sont efficaces au Moyen Âge. Par exemple, un saint part en voyage, une mule porte ses bagages, un ours arrive qui mange la mule. Eh bien, le saint oblige l'ours à porter les bagages à la place de la mule qu'il a dévorée. Ou bien un saint est en train de labourer, comme toujours au Moyen-Âge, c'est un bœuf qui tire la charrue. Arrive un ours qui mange le bœuf, le saint oblige l'ours à tirer la charrue à la place du bœuf. Le saint est plus fort que la bête. Oui, c'est cela. Là encore, Michel Pastoureau, le but est de montrer que l'ours n'est pas cet animal si fort qu'il l'était ou qu'il l'est à l'époque du Moyen-Âge dans les cultes. Il est plus fort que lui, c'est le saint, l'homme envoyé par Dieu. Quatrième stratégie, très différente, ridiculiser l'ours. Et là, ça va être le rôle des jongleurs et des batteleurs. En général, l'Église au Moyen-Âge est hostile au spectacle d'animaux qui ont un peu à voir avec l'idolâtrie. Mais pour l'ours, elle a une certaine tolérance. Et alors, à partir du XIIe siècle, on voit sur les places de foire et de marché des montreurs d'ours avec des animaux enchaînés. Ils se déplacent, ces animaux sont ridicules, ils font des tours, ils dansent, on peut venir les toucher sans danger, même les enfants s'en approchent. Donc, ça n'est plus la redoutable bête sauvage des époques précédentes. Et c'est le début d'une longue tradition, l'ours animal de cirque en quelque sorte. Oui, et alors Michel Pastoureau, au Moyen-Âge, c'est à cette époque aussi que l'ours est définitivement détrôné, si je puis dire, et que le remplace dans la position de roi des animaux, le lion. Voilà, c'est la cinquième stratégie, installer sur le trône symbolique de roi des animaux une créature qui n'est pas présente physiquement en Europe, donc sans danger de culte, le lion, qui est l'animal roi des animaux déjà dans les traditions orientales et certaines traditions gréco-romaines. Le lion, c'est l'animal des traditions écrites, donc pour l'Église, ça se manipule et se contrôle très bien, alors que l'ours était l'animal des traditions orales, c'était plus dangereux. Donc on peut dire que l'affaire est entendue vers la fin du XIIe ou le début du XIIIe siècle, l'ours est descendu de son trône et le lion a pris sa place. On le voit très bien, par exemple, dans un ensemble de textes littéraires que nous appelons « Roman de renard », laboratoire pour l'historien des animaux que cet ensemble de textes de la fin du XIIe et du premier XIIIe siècle. Dans le roman de Renard, le lion est déjà le roi des animaux et l'ours est devenu un animal dévalorisé, voire proprement ridicule. Si vous le voulez bien, Michel Pastoureau, vous évoquez le roman de Renard. Je vous propose de vous lire un petit extrait de l'un des passages du roman Renard magicien, qui illustre tout à fait cette pauvre situation de l'ours au Moyen-Âge, bête ridicule. Dans le roman de Renard, l'ours s'appelle Brun. Brun, dit Renard, avancez. Par le roi et à sa prière, je vous ordonne de faire une culbute. Vous y êtes expert. Brun comprit bien qu'il lui fallait le faire, car il ne saurait trouver d'excuse pour ne pas s'exécuter. Il se plaça au milieu, puis se prépara, arrangea son poil avec soin et se mit en état de faire une belle culbute. Il baissa la tête, vers la terre, puis continua le mouvement avec les fesses. Il tomba si lourdement à terre que son anus s'élargit et s'ouvrit. Il avait l'intestin si rempli qu'il faillit éclater. Et la culbute lui fut si pénible qu'il fut contraint, malgré lui, de péter devant tous. La salle entière en résonna et chacun en rit. « Belle culbute, dit la reine, que celle de celui qui sonne de la trompette avec son cul en l'exécutant. » Sur ce, elle fit se lever une bête qui avait bien 21 têtes et lui ordonna de faire une cabriole. C'est là, Michel Pastoureau, une illustration de ce caractère tout à fait ridicule. Cet ours qui pète devant la reine, c'est bien malheureux pour lui. Oui, et c'est une idée qui va avoir la vie longue parce qu'on va la retrouver dans les contes et dans les fables. Chez La Fontaine, par exemple, l'ours n'est jamais pris en très bonne part. Il a perdu de sa force et il est devenu un animal sot, simpliste, qui fait des bêtises malgré lui. Il est maladroit. Le pavé de l'ours, par exemple, est resté célèbre. Voulant défendre son maître, il le tue maladroitement. Donc, c'est une tradition qui va traverser les siècles, mais en même temps vont perdurer d'autres traditions plus anciennes, notamment celle de l'ours mâle, amateur de jeunes filles et de jeunes femmes. On va la retrouver au début du XVIIe siècle, non pas dans un texte littéraire ou dans une fable, mais dans une histoire véritable qui s'est passée en Savoie dans les années 1605-1610. Alors il faut que vous nous la racontiez, Michel Pastoureau, c'est l'histoire d'Antoinette Culet que vous évoquez maintenant. Antoinette est une jeune bergère qui garde ses moutons dans la montagne. Elle a une quinzaine d'années et un jour, elle ne redescend plus au village le soir. On retrouve les moutons, mais pas la bergère. On pense qu'elle a fait une fugue, on la cherche partout. Elle a disparu, on ne la retrouve pas. Les parents sont désolés. Puis deux années passent, trois années passent, et un jour, des bûcherons, qui étaient montés dans la montagne plus haut que d'habitude, s'approchant d'une grotte fermée par un rocher, entendent des cris. Ils enlèvent le rocher et ils découvrent une créature féminine, vêtue de lambeaux, dans un état épouvantable, qu'ils délivrent au fond de sa prison, et elle commence à raconter son histoire une fois qu'on l'a redescendue au village. Elle raconte comment elle a été enlevée par un ours qui en a fait son épouse, qui l'a violée. Elle a accouché d'un être monstrueux, mi-homme, mi-ours, que le père, en voulant l'enlacer, a étouffé. Il a été trop pressant. Personne ne croit à son histoire. On pense qu'elle a fugué et qu'elle raconte des mensonges. On essaye de la nettoyer. Sa famille la récupère. Mais la nuit même, un ours descend dans les rues du village et réclame sa jeune femme. On le chasse et il revient trois nuits de suite. On comprend que l'histoire était vraie. Et on tue l'ours, qui naturellement était le plus grand qu'on ait jamais vu dans la vallée de la Tarentaise. La jeune femme est exilée dans un monastère loin de cet endroit, quelque part en Dauphiné. Et l'évêque de Moutier en Tarentaise demande à un prêtre de son diocèse de raconter cette histoire qui est imprimée. Donc nous en avons gardé un souvenir livresque pour les contemporains. C'est une histoire vraie. Cette jeune femme a été enlevée et violée par un ours. Et nous sommes pas au cœur du Moyen-Âge, dit dans l'Antiquité tardive, mais nous sommes au début du XVIIe siècle, sous le règne d'Henri IV. Oui, c'est quelqu'un qui a témoigné de cette histoire, hein, Michel Pastoureau. Comment comprendre qu'elle ait été rapportée comme une histoire vraie, si impressionnante soit-elle, on a du mal aujourd'hui à l'imaginer tout à fait réelle. Oui, d'autant que les villageois interrogés ont témoigné que l'ours est venu la nuit pousser des cris comme s'il semblait réclamer qu'on lui rende sa prisonnière et pour lui son épouse. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Au fond, le plus simple est d'y croire, nous aussi, après tout, pourquoi pas. Il y a une suite, si je puis dire, ou plutôt un écho au XIXe siècle. Mérimée a écrit dans les années 1866-67, je crois, une nouvelle qui s'appelle Loki, L-O-K-I, qui est peut-être la plus belle nouvelle de la littérature française. Nous sommes en Lituanie et une jeune femme, la veille de son mariage, est enlevée par un ours, conduite dans la forêt. On ne sait pas très bien ce qui se passe, puis elle est relâchée. Trois jours après, elle réapparaît. Le mariage a lieu, et 9 mois plus tard, elle accouche d'un être qui semble normal, un enfant qui grandit, puis plus il grandit, plus il devient bizarre, adulte. On le nomme le comte Michel, et ce comte Michel a un comportement étrange, on comprend qu'il est fils d'ours, en fait. Et c'est une histoire qui se termine de manière absolument terrifiante, que Mérimée a sans doute écrite pour faire peur aux dames de la cour de Saint-Cloud, de Compiègne, la cour de Napoléon III. Mais c'est un des plus beaux textes littéraires français et c'est encore une histoire de femme enlevée et violée par un ours. Alors Michel Pastoureau, à l'époque contemporaine, hein, lorsqu'on pense à l'ours, c'est surtout à travers des figures de la littérature enfantine qu'on le fait. Hein, Winnie l'ourson, l'ours Paddington, Baloo, Rupert, Gros Nounours, Petit Ours Brun, la liste est longue de ces personnages qu'affectionnent les enfants. Il nous faut nous souvenir que tout ceci est lié à une naissance précise et bien datée, celle de l'ours en peluche, et dans laquelle c'est un président américain qui joue le premier rôle, Theodore Roosevelt. Oui, nous sommes en 1902, au mois de novembre, le président américain Theodore Roosevelt, c'est quasiment un personnage de légende, c'est le plus aimé de tous les présidents américains, grand chasseur, et à un moment où il était en déplacement dans le sud des États-Unis, un jour où il avait chassé, il était bredouille, le lendemain bredouille, le surlendemain bredouille, alors ses proches ont eu l'idée d'attacher un ourson à un arbre et d'attirer l'attention du président. Proie facile, mais le président, naturellement, n'a pas voulu tuer l'ourson, il l'a épargné. L'affaire s'est répandue et a fait beaucoup pour sa réputation, il a épargné l'ourson. Et un fabricant de jouets de New York a eu l'idée de créer un jouet en feutrine ou en peluche pour commémorer l'événement. Il a demandé à la Maison Blanche s'il pouvait l'appeler Teddy, le diminutif de Théodore. Teddy Bear était né. Donc, Teddy Bear, c'est le premier ours en peluche. Voilà, mais ça n'est pas vraiment le premier tout seul, parce que exactement au même moment, novembre 1902, dans la banlieue de Stuttgart, une jeune femme qui fabriquait des jouets en feutrine poussée par son neveu à la foire de Leipzig, le même objet, un ourson en peluche et feutrine, qui a un grand succès en Allemagne, donc des deux côtés de l'Atlantique, au même moment, sans qu'il y ait contact, l'ours en peluche est né, sans doute que les choses étaient mûres pour qu'il apparaisse. Le succès est énorme tout au long de l'année 1903, sur les deux continents, et commence l'histoire que vous connaissez, cet ours en peluche qui prend des formes extrêmement variées, qui reste la vedette du bestiaire du jouet pour enfants jusqu'à des dates assez avancées, même si au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce bestiaire s'est diversifié. Aujourd'hui, quand on se promène au moment de Noël, par exemple, dans les grands magasins, ou qu'on regarde le rayon des jouets en plus, on voit que l'ours est redevenu la vedette parmi tous les animaux. Pour l'historien, c'est une belle histoire parce que l'ours du paléolithique partageait sa caverne avec l'être humain à certains moments, et au XXe et XXIe siècle, l'ours en peluche partage le lit du jeune nourrisson. Ça souligne que ça n'est vraiment pas un animal comme les autres. Chain around my neck, lead me anywhere. Let me be, oh, let him be, oh, teddy bear. On se quitte au son d'Elvis Presley, Michel Pastoureau. Lui aussi rendait hommage au célèbre Teddy Bear dans une chanson de 1957. Merci beaucoup Michel Pastoureau. Je renvoie nos auditeurs au livre que vous avez consacré à l'ours, L'ours, histoire d'un roi déchu, paru au Seuil en 2007. Toutes les références bibliographiques et musicales de l'émission se trouveront sur son site internet franceculture.fr. Vous pourrez aussi réécouter cette émission en ligne pendant 3 ans et la télécharger pendant 1 an. Les animaux ont aussi leur histoire, une émission de Mathilde Wagman et Michel Pastoureau, réalisée par Anne Franchini, avec aujourd'hui à la technique Philippe Palares. Nous retrouverons Michel Pastoureau dimanche prochain à la même heure. Nous ferons cette fois le portrait du corbeau. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. I just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let it be. Oh, teddy bear. Oh, let me be. Oh, let him be your teddy bear. I just wanna be.